Regarde, vois-tu, c'est le genre de commentaire-là, moi, qui me donne le goût de fesser dans les murs. Hein. Ah oui? Steve qui écrit, tiens, soudainement, ta théorie du retour du balancier, Denis, ça fait plus. Un retour de balancier, c'est jamais une bombe sale qui tue des enfants. Excusez-moi, là. Regarde, faites vos grandes analyses politiques, là, dans vos petits congrès, dans vos petites patentes, puis dans vos sous-sols de maison, là. Puis crissez-moi patience, OK? On parle d'un débile. Vous allez justifier les actions d'un débile? Sérieux, là? Vous allez me sortir des grandes analyses de politique internationale à deux scènes, là? Puis vous savez même pas c'est qui encore, là? Il y a des livres de recettes qui se promènent sur Internet pour savoir comment bâtir une bombe avec un Prestone. C'est comme si c'était Ricardo qui faisait une émission de cuisine. Tu sais, c'est expliqué étape par étape. Rich m'a sorti ça tantôt. Ouais, c'est pour les nuls, vraiment. Ça donne froid dans le dos. Mais ça te montre que n'importe quel abruti en jogging dans le fin fond d'un sous-sol est capable, au nom de sa cause. Puis, est-ce qu'on est passé proche de ça à Montréal ce printemps? Pour des motifs qui étaient tellement nobles de politique. Oh, fait une bombe avec un presto, on a peut-être passé proche de ça, hein? Est-ce que c'était ça, la prochaine étape? Il est 7h19 à Radio X, vous êtes dans le show du matin.